Au bord du néant, cette vie n'est qu'un long trauma. Moi qui répète océan, je tourne en rond dans mon bocal. L'esprit en prison, le cœur froid, douceur moite. Personne m'a dit que je verrais ce monde en couleur noire. Au bord du néant, cette vie n'est qu'un long trauma. Moi qui répète océan, je tourne en rond dans mon bocal. L'esprit en prison, le cœur froid, douceur moite. Personne m'a dit que je verrais ce monde en couleur noire. Toujours la même à dire, rien que des problèmes s'apprêtent à rire. Depuis le collège, les mêmes amis et rien de neuf sous le soleil. Tu sais que j'évite les gouttes malgré la pluie. J'aurai des insomnies, mais le cerveau tousse. J'étire mes doutes auprès de la nuit. Quand je rêve de mort et de solitude, ils rêvent de gloire. Tous veulent le succès pour finir comme des bêtes de foire. L'humanité dérive attendant la boue d'un messie. J'ai l'impression de tendre la main comme un imbécile. Paraît que tes proches t'aiment, alors pourquoi je te vois marcher comme le petit poussé plein de caillasses et les poches pleines. La peur de l'abandon, d'un amour atrophié. J'ai vu des types se pendre le palpitant cabossé. J'ai crié fort qu'ils m'aiment me suivre, mais j'ai couru trop vite vers la sortie que du sophisme à offrir. Les pessimistes fabriquent le monde pendant que les optimistes le colorient. Entre les deux, moi je pratique l'autopsie. Combien les fous ont-ils d'amis coincés sur un damier en diagonale entre les charognards, les lèpres chaudes. J'étais roi, j'ai fini pion, j'étais lion, j'ai fini proie. De toute façon, y'a qu'aux échecs que la reine te sauve. Laissez-moi seul, ou bien parmi les animaux. Avec ceux qui jettent des pavés parmi les lacrymaux. Dessine mon destin à la crêpe, pas besoin de stabilo. Parmi les macabres, serait le meilleur trésor d'Astico. J'ai vu l'avenir dans le carré des souvenirs. Sur cette plaque de marbre, on perlait mes soupirs. Plus souvent, je regarde le ciel, c'est vrai. La perte des miens m'effraie. La vie ne tient qu'à un fil précaire, perdu sans mif. Heureusement que les gosses sont là. La poisse aux pattes, mais on vit tous sous le même toit au moins. Des pleurs, des rires, c'est donc ça le bonheur alors. Être juste avec les siens et chérir la daronne. Au bord du néant, cette vie n'est qu'un long trauma. Moi qui répète océan, je tourne en rond dans mon bocal. L'esprit en prison, le cœur froid, douceur moite. Personne m'a dit que je verrais ce monde en couleur noire. Au bord du néant, cette vie n'est qu'un long trauma. Moi qui répète océan, je tourne en rond dans mon bocal. L'esprit en prison, le cœur froid, douceur moite. Personne m'a dit que je verrais ce monde en couleur noire. Au bord du néant, cette vie n'est qu'un long trauma. Moi qui répète océan, je tourne en rond dans mon bocal. L'esprit en prison, le cœur froid, douceur moite. Personne m'a dit que je verrais ce monde en couleur noire. Au bord du néant, cette vie n'est qu'un long trauma. Moi qui répète océan, je tourne en rond dans mon bocal. L'esprit en prison, le cœur froid, douceur moite. Personne m'a dit que je verrais ce monde en couleur noire. Slope, Oz, Teams, Miséricorde.